chapelle au clair de lune, où je t'enlevais de vous nos âmes ne faisant qu'une. Je suis là tristement, tout près d'elle avec ma peine, inlassablement. Quand les fleurs seront fanées et quand l'orgue sera sourd, la chapelle. Chapelle au clair de lune n'a pas vu votre retour, et je viens dans la nuit brune pleurer mon amour. Quand les fleurs seront fanées et quand chapelle abandonnée, moi je reviendrai toujours. La chapelle au clair de lune n'a pas vu votre retour, et je viens dans la nuit brune.